Guillaume, tu nous emmènes où ? Direction Annecy avec le High Five Festival. C'est tout ce week-end. Depuis 2010, le High Five Festival rassemble toute la communauté du ski à Annecy. C'est le festival du ski, mais pas que. Entre présentation de films, conférences, sessions de dédicaces, animations et soirées, l'événement offre de quoi faire vibrer toutes les générations de passionnés de l'outdoor, de la glisse. Le High Five Festival, c'est donc ce week-end, c'est à Annecy. Toutes les infos, le programme sur le site highfive-festival.com. Autre rendez-vous à ne pas louper dans les pays de Savoie. Nous allons cette fois à Bonneville avec aujourd'hui et demain. Les amis du château et de la Bonneville organisent leur 44e salon des peintres savoyards. C'est donc jusqu'au 12 octobre à l'Agora de Bonneville. Cette année, l'invité d'honneur, c'est monsieur Bernard Beau, installé à Thonon-les-Bains. Bernard Beau est un peintre autodidacte dont l'univers artistique mêle émotion, réflexion et intuition. Seront accueillis également 26 artistes, sculpteurs et peintres de toutes inspirations et techniques de travail, du papier, du travail du verre, de la terre, du travail, du fer et bien sûr de la peinture. Ils vont exposer et partager leur univers en proposant éventuellement des démonstrations chaque jour aux alentours de 16h. Vous êtes attendus nombreux. C'est tous les jours de 15h à 19h, donc jusqu'au 12 octobre à Bonneville pour ce salon des peintres savoyards. Et puis on termine cet agenda à Sallanches. Rien de prévu ce week-end. Plongé dans l'univers des Vikings au château des Rubins lors de l'événement Odin au Rubin. C'est donc aujourd'hui et demain au programme démonstration de combat, lancer de haches, présentation d'armes vikings et même un atelier de tatouage. Rendez-vous d'ailleurs ce soir à 20h30, place à un concert de musique celtique. Radio Mont Blanc est ravi de vous offrir d'ailleurs vos deux entrées pour ce week-end. Vous envoyez tout simplement Viking pour aller au château des Rubins. Vous envoyez Viking sur le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 50 58 24 47. C'est donc aujourd'hui et demain à Sallanches. Faites de très bonnes sorties partout dans les pays de Savoie avec Radio Mont Blanc. Un bon week-end à nos côtés.